en swing, on claque dans les mains, yeah. Et ceux qui savent claquer les doigts, allez-y, yeah, ça swing, yeah, cool, relax, relax, yeah, what a good shit, wow. Que tout le monde aimait bien. Elle avait appelé Sébastien, le chien Sébastien. Comme tous les ans, elle partait en vacances. Elle aime bien les côtes de Provence. Elle laissait le chien à la tante Hortense, la prof de science, la tante Adèle. Le chien Sébastien, la tante Hortense, la tante Adèle, la tante Adèle et la famille. La tante Hortense aime bien Sébastien, mais pas son mari, le gros oncle Lucien. Lui ne supporte vraiment pas les chiens. Gros con de Lucien. Depuis qu'un boxer a mangé ses lunettes, les sièges en sky de sa belle camionnette qu'il avait racheté à mes mères Lucette, celle qui a du diabète, la tante Adèle. Le gros con de Lucien, mes mères Lucette, la tante Adèle et la famille. Ripa. Lucette va pas bien en ce moment. Elle est malade, elle crache ses dernières dents. D'ailleurs on se ravit en vue de l'enterrement chez l'oncle Armand. On dit que Lucette a planqué un magot qu'elle aurait mis dans les porte-manteaux, dont va hériter le cousin Pierrot, le fou de moto, la tante Adèle. Le vieil oncle Armand, cousin Pierrot, la tante Adèle et la famille. Mère Lucette est morte la semaine dernière. On a démonté le porte-manteau en fer. On a retrouvé les clés du scooter de l'oncle Albert. Cousin Pierrot a hérité de l'engin. Il roule comme un fou dans les rues du patelin. Samedi il a écrasé Sébastien. Et paf le chien, la tante Adèle. Le scooter d'Albert plus Sébastien, la tante Adèle, la tante Adèle et la famille. Cette petite chanson, c'est qu'en scooter il faut faire attention. Quand Adèle mourra, Pierrot aura de ce fait la niche de Sébastien, sa laisse et ses croquettes.